mêmes racines et même combat. Patron, patrie, patriarcat. Même racine et même combat. Patron, patrie, patriarcat. Même racine et même combat. Les jeunes dans la guerre, les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. C'est dur le son. Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Atala. Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Atala. Vietnam à Algérie, Palestine vaincra aussi. Vietnam, Algérie, Palestine vaincra aussi. Vietnam, Algérie, Palestine vaincra aussi. Vietnam, Algérie, Palestine vaincra aussi. Vietnam, Algérie, Palestine vaincra aussi. Vietnam, Algérie, Palestine vaincra aussi. Une vie de combat libère Georges Abdallah et 40 ans de prison. Toute une vie de combat libère Georges Abdallah. Parfois en garde à vue, jamais au garde à vous. Parfois en garde à vue, jamais au garde à vous. Parfois en garde à vue. Jamais on garde à vous. Parfois on garde à vue. Jamais on garde à vous. Jamais on garde à vous. Tout le monde déteste la police, c'est tout. Le monde déteste la police, c'est tout. Le monde déteste la police, c'est tout. Le monde déteste la police.